Arca Firmata. Oui, au bout du quai à droite. Merci de votre collaboration. Viens, allons-y, c'est par ici. Il s'agit d'un certain Jean. Il était un des mécanos de garde la nuit du vol, et cette nuit-là en particulier, il s'est absenté en prétendant convoyer une sorte d'ours de foire dans une case fermée. Cela avait surpris ses collègues. Nous tenons donc un bon suspect, mon cher Pernous, et en plus il est de permanence ce soir. Une arrestation dans les colonnes de mon article, cela va faire sensation. Et je ne veux pas que tu m'embêtes pour publier cela. Monsieur Bardot a accepté, et j'ai besoin d'une nouvelle toilette pour une audition importante. Mon chef me tuera. Bon, le quai à droite. Hé, hey, vous là-bas. Police, nous cherchons un dénommé Jean. Où est-il, s'il vous plaît? Mais halte! Au nom de la loi, arrêtez-vous! Et merde! Il fallait qu'on tombe directement sur lui! On sent que tu n'es pas un spécialiste du terrain! Oh, on n'a pas idée d'hurler comme ça quand on cherchait quelqu'un. J'ai pris des chaussures de marche, mais... j'ai quand même une robe! Et zut! Il est passé où? Je suis certain de l'avoir vu tourner ici. Là-bas, il est près du pilier. On dirait qu'il y a un passage. Ça se referme derrière lui. Et merde, et merde. Non. Système de barre rétractile de mon invention. Caché dans ma manche, ça fonctionne très bien dans ces moments-là. J'en suis très fier. Très utile, en effet. Tu es fier de toutes tes inventions en général, non? Attention. Hop, voilà. À ton temps, Sorette. Je me demande comment un passage comme cela a pu exister dans la gare. Elle a été reconstruite ces 10 dernières années, après sa destruction durant la commune. C'est probablement là que ce passage a été conçu. Oh, passé sans déchirure, je m'étonne moi-même. On va avoir besoin de ça. Allez, on descend l'escalier. Ça peut devenir dangereux. Reste bien derrière moi. C'est grand ici, comment a-t-on pu construire une salle comme ça et que ça passe inaperçu? Même durant les travaux, c'est difficile à concevoir. On parlera des complicités après. Je me demande qui a allumé ces lanternes tout autour. Peut-être qu'il était en train de préparer la salle pour quelque chose. 6, 7 piliers. 7 piliers derrière l'hôtel, cette espèce de socle à statue, sans statue. Il est derrière un de ces trucs, sauf s'il y a une autre issue. Bon, à vue de nez, ce n'est pas le cas. On prend en pince de crabe, tu vas à gauche, je vais à droite, on se rejoint. Ça ne va pas. Ce type est sûrement armé lui aussi, et il est acculé. Il n'hésitera pas à te planter un couteau dans la gorge. Trop intrépide, ça. Jean, on ne vous veut aucun mal, mais nous sommes armés, nous avons mandé des renforts qui arrivent en ce moment. Vous pouvez encore vous rendre et vous serez bien traité. Bravo la méthode, tu y crois, toi? On peut parfois être surpris. Jean, c'est votre dernière chance. Il n'y a pas d'échappatoire. Vous pouvez encore éviter le bagne en vous rendant maintenant. Mais merde, mets-toi de ce côté, Hélène. Attends, il fait quoi? Il s'est jeté à plat ventre devant l'hôtel? Il prie? Bon, j'y vais. Jean, restez immobile. Je suis en train de venir vers vous. C'est le meilleur choix, mon gars. Mon gars, tu ne bouges pas, d'accord? Marmonne ce que tu veux, mais ne bouge pas. Bon, je vais sortir mes menottes, tu vas gentiment mettre tes bras derrière le dos. Parti, Cliff! Apparaissez avec la Fagor! Hein? Pernous, reviens, je ne te vois plus dans cette fumée! Oh mon Dieu, cela empeste le soufre, c'est abominable! Ce n'est que moi, Hélène. Viens, reculons. On va les appeler pour de bon, ces renforts, en fin de compte. Tu as vu d'où vient la fumée? Ça empeste comme l'avait raconté Bardou lors du cambriolage. Hélène, il était gros comment, l'animal, tu avais dit? J'ai juste dit gros, très gros. Je propose qu'on remonte, d'accord? Cours! Dépêche-toi, il arrive! Vite! Merde, je coince, je coince! Viens! récupérer Tabar. Il est coincé. Certes, mais... même à plusieurs... comment on le sortira de là-dedans, ce bestiau ? Hey, il essaye quoi, là ? N'essaie pas, Pernous. Il va vraiment détruire la porte en pierre ? Enfuyons ! Mais c'est pas possible de faire ça ! Il peut quand même pas casser une porte en pierre ! Venez à moi, misérable. Votre chair m'est déjà douce.